À l'occasion de la journée de Sangun, le sénateur nigérien Abdullahi Adamu a offert des présents au général Kim Jong-il et au maréchal Kim Jong-un. Il les a remis à l'ambassadeur coréen dans son pays.